Vous êtes assez fou pour l'écouter. 89.1. Le service aux étudiants de l'UQTR vous présente Assemblage requis. Le plan d'aujourd'hui à Assemblage requis. Simon Fitzbé nous épluche John Peel dans sa chronique Phénomène. Et on parle politique avec François Landry. On a aussi des gadgets complètement inutiles dans 5 espèces, ça devrait répondre là. Assemblage requis commence maintenant. Bon matin en ce jeudi 16 février 2012, moi c'est Mathieu Plante. Et moi François-Olivier. Et on est en direct des studios de CFO à Trois-Rivières pour cette édition d'Assemblage requis. Aujourd'hui à l'émission, à 8h, on va voir Simon Fitzbé, sa chronique Phénomène. Il nous parle de John Peel. Mais qui est donc ce John Peel? Ben, je sais pas, premièrement. OK, bonne question. Mais je crois, si je me fie par son nom de famille Peel, c'est peut-être le gars des Peel Sessions. Les Peel Sessions. C'est des sessions de spectacle qui ont été copiées par maintes et maintes autres stations de radio et bandes à part, etc. C'est des sessions live de musique et souvent c'est en disqué. Et c'est souvent cette version-là de l'émission de John Peel qui est en disqué parce que c'est des mieux faites, des mieux produites. Donc quelque chose du genre. Il nous en parlera plus en détail tantôt, mais oui, c'est bien le disque jockey anglais, présentateur radio et producteur de disques et journaliste. Il fait un paquet d'affaires. C'est un homme à tout faire, hein? OK. C'est le Potato Peeler 3000, mais encore plus hot. Là, je me suis fait dire qu'il te faisait passer pour un journaliste, mais qu'il l'était pas. Arrête donc, toi! Écoute, je te dis ça comme ça, si on veut s'en voir plus, ça va être à 8h. Il nous parle des rumeurs. Parlons des rumeurs sur d'autres mondes, tant qu'à ça, genre près de la radio. Non. Et... tu vas voir, je pense que Simon va aborder ce point-là. Ah ouais? OK, ben j'aime ça. OK. À 8h30, on aura François Landry, sa chronique politique Logocratie 101, bien évidemment. Et aujourd'hui, son la sujet... La CAQ? Non? Oui, oui, c'est la CAQ encore une fois. La non-reconnaissance de la CAQ. Ça va être intéressant. Je connais pas. Non. Je connais pas ça. Non, c'est ça. Et je pense qu'ils n'ont pas le droit au financement d'un vrai parti politique. On parle d'environ... c'est dans les 100 000 $ là, donc... Moi, j'ai entendu dire qu'il se faisait passer pour un vrai parti politique. Ouais, un peu comme mais... John Peel tantôt, ça. Ouais. Ce genre de... mais ils sont pas reconnus. Tu sais, John Peel, il est reconnu. Ouais. Mais, en tout cas, qu'est-ce que tu veux? Hein? Qu'est-ce que tu veux? Donc, ce sera à 8h30 dans la chronique politique Logocratie 101. Sinon, en première heure, on va avoir la chronique sexe, mais ça devrait pas, on l'a. On va résoudre tous vos nombreux problèmes. Par exemple, quoi faire quand t'as pas de thermomètre sur toi? Tout ce que t'as, c'est ton iPhone. Oh! Mais il faut un thermomètre pour iPhone. C'est évident quand même. En tout cas. Et aussi un malaxeur qui sert de réveil matin. Donc quand tu vas te lever avec un drink, là. Ah oui, non. Ça passe, ça check tout ça. C'est ça. Shake not stirred. Ça reste 8 heures à chaleur, puis ton yogourt est toujours bon. Ah oh! Ah, c'est du yogourt température pièce, y'a rien de meilleur. Hein? Ah non, c'est ça. Ça, puis la mayonnaise, là. Hum! Ah. Mais on débute l'émission avec une pièce de funambule et un nouvel extrait du palmarès francophone. Elle s'appelle L'antre des indécis. À Assemblage requis. Moi, je sais, votre décision, c'est de rester à l'écoute jusqu'à 9h. Pas compliqué. Oh, Pas besoin de penser. Pas besoin, non. Pas de... non. Voilà. Hein, à un moment donné. Ben voyons. Ciel sous nos pieds tard, au-dessus de nos têtes. Moi qui patauge dans la main, je pourrais bien, peut-être, le flou d'indécision et la marche.

And it was your heart on the line. I really fucked it up this time. Didn't I, my dear? Mumford and Sons. Avec l'excellente pièce, hein? Oui. Oh, que je l'aime. Little Lion Man. C'est incroyable. C'est incroyable. Toi, je sais que t'es mieux The Cave. Ça commence à tirer du bon bord. Le choix est difficile à faire, ouais, c'est bon. Ça. Mais j'aime les deux. Ça veut dire que j'aime Mumford & Sons. Ça veut dire qu'on pourrait essayer d'autres pièces aussi. Ça. Oui. Oui. Mais tu sais, Mumford & Sons, des fois, c'est très tranquille. OK. Il faut faire attention. Le matin, on aime ça se mettre de brimage. Un petit peu d'entrain, un minimum d'entrain. Ah, c'est ça. Moi, ce qui me donne l'entrain, c'est tu sais quoi? Magasiner pour des choses que j'ai pas besoin d'avoir. Mais ça devrait répondre, là. Ça existe, mais ça ne devrait pas. On l'a, c'est la chronique où je vous suggère des solutions à vos problèmes de tous les jours. Là. Des problèmes très, très fréquents. OK. Mettons, faisons comme si. Hein? Faisons comme si. On commence avec l'idée d'avoir un thermomètre dans sa poche en tout temps. Hein, parce que tu as tout le temps besoin d'un thermomètre. Je pense que ça, c'est logique et évident. Hein? Oui, ou sinon, écoute, tu es appelé à sortir dehors. Donc on sait que c'est pas drôle. Non, mais c'est ça. Je sais pas, on parle peut-être pas du même genre de thermomètre, tu vas voir. Thermomètre pour iPhone et iPad, etc. iCelsius Pro sera disponible sur le marché très bientôt. Il s'agit d'un câble dont une extrémité se branche dans l'appareil iPhone, iPad, etc. Et l'autre sert de sensor pour mesurer la température d'une surface, d'un liquide ou même du corps humain. Donc, je sais pas si tu pourrais avoir la température à l'extérieur de chez toi. C'est à peu près de ça que tu parlais, toi. OK. Ben, moi, j'imagine que ça peut fonctionner, mais avec un film, je sais pas. Ouais. Une application gratuite permet de conserver ces mesures facilement. Hein. L'historique, là, on va pouvoir tracer l'évolution de la température dans le temps, par exemple, ce qui peut toujours servir en laboratoire, nous dit-on. Et on nous promet que les lectures seront plus rapides qu'avec un thermomètre ordinaire. Hein? À noter que le iCelsius Pro est réputé pour fonctionner à des températures allant de moins 30 à 150 degrés. Mais par contre, ça nous dit que votre iPhone probablement ne pourra pas survivre à cette température-là. Donc, c'est un petit peu difficile. Là. Ça coûte environ 55$ chez USB Fever. Le lien est sur assemblagerequis.com. Maintenant, vous avez oublié votre petit linge pour nettoyer votre surface iPhone. Je ne sais pas si tu nettoies souvent ton iPhone. Ouais, mais... Bof, hein, sur ton chandail. Hein? Ben, ouais. C'est à peu près ça. Si vous avez oublié, disons, votre petit linge, hein, et votre iPhone est très, très sale, c'est un étui protecteur qu'on peut installer sur son iPhone, mais qui cache dans son coin inférieur gauche, en bas à gauche, un morceau de plastique de la taille d'une pièce de monnaie, hein, comme dans Wipecoin, coin, pièce de monnaie, dont la surface inférieure est recouverte d'un tissu nettoyant antibactérien. Quand vous avez besoin de nettoyer votre écran, il suffit de promener l'accessoire en question à la surface, puis quand vous avez fini, vous le retournez à son port. C'est un petit peu comme un snap, un bouton pression. OK. Ping, c'est rebranché. Un morceau de plastique peut lui-même être lavé à la main, hein, laver l'objet de nettoyage. C'est comme passer l'aspirateur sur son aspirateur. À la machine ou à la lave ou au lave-vaisselle quand elle devient vraiment trop dégoûtant. On peut aussi acheter des pièces de rechange séparément histoire de retarder l'échéance du lavage. Hein. À la place de le laver, pour l'acheter un autre. Ça coûte environ 20$. C'est pour iPhone 4 et iPhone 4S seulement. OK. On n'est pas là-dedans. Ça. Non. Ça nous inclut pas, ce matin. Mais non. Nous autres, on reste sales. Problème l'hiver, et j'en suis très, très grandement victime. Peut-être que toi aussi, je sais pas. Je te connais pas tant que ça. Même si, tu sais, on n'a pas... J'ai hâte de savoir c'est quoi. On n'est pas ensemble. Bref, c'est un déshumidificateur. Parce que l'hiver... OK, l'hiver... Mais l'hiver, c'est sec. L'hiver, c'est... Ouais. C'est plus l'été? Non, ben... Non? Ben, pas ton déshumidificateur l'hiver? Excuse-moi, est-ce que j'ai dit déshumidificateur? Ouais. Je voulais dire humidificateur. Ah, humidificateur. Okay. Ouais, ça, je comprenais pas. Là. L'été, ce serait un déshumidificateur. L'hiver, c'est un humidificateur, c'est ça? Ouais, c'est ça, exact. D'accord. Est-ce qu'on dit déshumidificateur ou déshumidificateur? Ben, je pense que tu fais la liaison. Je sais pas si on peut faire une liaison quand il y a un H. SH. C'est comme si tu peux pas dire tu dis des humains, en effet. C'est une exception, je pense. Des humidificateurs. Sinon, ça se dit pas. OK. Donc, allons-y avec le gadget. C'est le Cyanix Sonoboy Portable Mini Humidifier. C'est un humidificateur USB, évidemment. USB. Donc, tu branches le petit... C'est une affaire super petite, là. Ça ressemble à une tasse à café, OK? Ouais. Avec un petit bonhomme sourire asiatique, d'accord? Et un chapeau asiatique qui est le couvercle. Qui émane le... Ça sort par son petit bout de chapeau. Donc, tu mets de l'eau à l'intérieur de ça, tu branches ça en USB. Et c'est super petit, c'est super pratique, ça se transporte très, très bien. Génial. Génial. Ben oui, voilà. Mais ça couvre quoi? Ça couvre pour toi au bureau, maintenant? Ben, c'est ça, il suggère, surtout pour le bureau. Exactement, très bon point. Pour vrai, ce serait quelque chose qui pourrait être bien au bureau. quand tu veux pas déranger tes collègues de travail et que t'as de la misère à respirer, mettons, t'as de la misère à faire, je sais pas, exemple, comme ça, une chronique de radio, mettons. Mais moi, c'est plus la nuit. Ouais. Ça m'incommode. Le jour, ça va bien. OK. Pas toi, non? Non, moi, le jour, ça va pas bien. Ah ouais, pour vrai? Mais bon. Puis la nuit, est-ce que tu mets un humidificateur? Non, mais je n'ai pas encore acheté. Je remets ça plus tard. Ah, ben là. Procrastination. C'est pas petit. Bon, ben c'est ça, c'est un peu mon problème. Mais le produit, celui-là, le petit humidificateur portable, coûte 30$ sur Amazon. Donc, c'est pas si pire que ça, c'est pas cher. C'est pas si pire, mais on dirait que j'ai comme l'impression que c'est trop petit. Mais... peut-être un peu petit. Faudrait que tu le mettes dans ta face. Hein, ouais. En dessous de ta face. Parle de mettre quelque chose en dessous de ta face, François. T'es un gars qui a besoin, je sais que c'est pas vrai, mais fais semblant, que t'as besoin de caféine pour vivre, hein? Oui. C'est pas vrai du tout, c'est du chocolat chaud, toi. Ouais, non, c'est ça. Okay. Moi, j'ai besoin de café pour vivre et j'aurais besoin de plus en plus de café et des fois, c'est difficile d'aller, bon. Toujours plus. C'est ça, toujours plus. Mais c'est difficile des fois de se lever, aller acheter un café ou aller, tu sais, s'en faire un autre batch de café. À la place, pourquoi ne pas acheter cette tasse de café qui prend 20 livres, 20 tasses de café à l'intérieur? 20 livres, je sais pas pourquoi j'ai dit ça. Ça je manque de café à cette heure-ci, je pense. Donc, 20 tasses de café à l'intérieur de cette même tasse. C'est une gigantesque tasse que tu peux tenir évidemment à deux mains. Ben, tu peux la tenir à une main. Ça veut pas dire que ça va tenir même longtemps dans ta main. Hein. Donc, c'est la World's Largest Coffee Cup. Hein? Certains pourraient dire qu'on a besoin d'une pancarte interdiction de plonger à l'intérieur de cette tasse. Donc, c'est fabriqué en porcelaine. Ça va au lave-vaisselle. Par contre, ça veut pas dire que ça va rentrer dans votre lave-vaisselle. Ouais, c'est ça. Mais bon. Voilà, donc c'est super joli. Moi, j'aime vraiment beaucoup ça. Ça fait une belle... c'est quelque chose que tu pourrais mettre, mettons, chez toi, sans t'en servir comme tasse à café. Tu pourrais mettre ça dans, quand tu fais un party pour un bol de punch. Ah, ouais. C'est une bonne idée. Je trouve ça bien. J'aime vraiment ça. Est-ce qu'il y avait le prix? Oui, il y avait le prix. Pardonnez-moi. L'attente. Est-ce qu'on veut dire? 40$. Ah, pas super. Mais ils sont en rupture de stock ensemble. Oh, crime. Une très forte demande. Et pour le punch. Pour le punch, ouais. Tu sais, une belle décoration pour les fans de choses là, Star Wars, avec les sabres lumineux, épées lumineuses, sortes de lumière, etc. Comment vous appelez ça en français? Les lightsabers. C'est une lampe. Donc, tu mets ça sur ton mur et c'est pivotable, donc à l'horizontale ou à la verticale. Tu mets ça sur ton mur et c'est vraiment le lightsaber qui s'allume comme lumière. Que okay. Ça te fait une belle petite veilleuse parce que ça éclaire pas tant que ça. Ça coûte 40$. C'est juste à temps pour la réédition de Phantom Menace en 3D hein, qui sort au cinéma, là, comme tous les autres films, là, Titanic. Pis, ouais, ils refont tout. Là. Ça n'a pas d'allure. C'est poche. Mais, hein. Tiens, t'es sur la route. Tu t'en vas brasser la grosse business hein, avec des clients potentiels à Yodoul. T'as besoin de taper sur ton ordinateur, mais t'as pas de clavier. T'as pas de clavier. T'sais, ça marche pas, ça, là. Ça marche pas. Fait qu'il te faut des pantalons avec un clavier intégré dans ton entrejambe. Ça existe? Ça existe. Oh, sur assemblagerequis.com, évidemment. Wow! Donc, les designers qui ont toujours les meilleures idées. Oui, ce produit-là s'appelle Beauty and the Geek, hein, la belle et le geek, là, si on veut. Et donc, c'est un clavier complètement fonctionnel. Et non seulement c'est un clavier, c'est ça qui est intéressant, parce qu'un clavier dans des pantalons... pas original du tout, là. Mais c'est des culottes aussi? Ça a déjà été fait. C'est des culottes aussi, dans le sens? Comment? Ben, c'est des bobettes aussi. T'habiller. OK, ouais, mais c'est des pantalons que tu portes, là. Ouais, c'est ça. C'est pas quelque chose que tu colles à ton jeans. C'est vraiment une paire de pantalons que tu achètes. Des culottes? C'est des culottes, François. C'est des pantaloons. Des pantalons? Des pantaloons. Donc, non seulement c'est un clavier complètement fonctionnel avec toutes les touches qu'on est habitué d'avoir, mais c'est aussi une souris. OK? Souris. Et des haut-parleurs. Et ça, j'imagine, tu peux pas laver ça dans la laveuse. Probablement pas, non. Et je suis pas sûr que tu vas pouvoir l'acheter, hein, parce que c'est un projet sur... je sais pas si c'est sur Kickstarter, mais c'est sur un équivalent. Là, on en parle à tous les jours, je pense, à l'émission, mais c'est où les gens jurent, promettent de donner de l'argent plus tard, si le produit atteint la limite de prix qui a été fixée. Et puis, si ça atteint la limite, ça va être produit, puis t'as déjà un rabais sur le futur produit. Bref, ils veulent ramasser... ça se vendrait s'ils se rendent à leur... comment t'appelles ça? À leur fond... À leur... leur but, ouais. Mettons. Les pantalons coûteraient 400$ chaque. Mais c'est pas si là, c'est pas si pire. C'est pas si pire que ça, même. C'est parce que c'est vraiment dans ton entrejet. Ouais. Vraiment là, là. T'sais, ouais, mais où mettons, tu voulais faire ça? Mettons, tu fais une barre espace, c'est là. Ouais. Boup, boup. Ouais. Espace. Boup, boup. Mais sinon, tu sais, comme le gars, la façon qu'il est assis... c'est quoi? C'est de la place où. C'est la place où ça va. Ouais. Ouais. Mais tu sais, moi, je les aurais peut-être mis plus à l'avant sur les cuisses, OK? Puis j'aurais séparé le clavier en deux, ces deux barres. Ouais. Mais la souris rentrait pas, j'imagine, là-dessus. Hein. Je sais pas, les haut-parleurs sont où? Ils sont pas dans tes fesses, j'espère. C'est Fait la souris, tu peux la mettre dans la poche derrière. Ah, peut-être. Mm-hmm. En tout cas, donc voilà pour ces Beauty and the Geek Pantaloons. Maintenant, t'as de la misère à te brocher les dents. Broche tes dents. Assez longtemps. Ça se peut, ça. Il y a des gens qui brossent leurs dents pendant quoi 10 secondes, puis ils pensent que, oups, c'est propre, ça, là. Ouais. Pas supposé, c'est supposé être genre 2 minutes, je pense, les experts dentistes disent. Donc, cette brosse à dents-là t'informe de tes habitudes de brossage de dents via Bluetooth. Et quelle technologie d'adon, hein, Bluetooth, dents bleues, tu sais. Ça veut dire? Je capote, moi aussi. Mais donc, il y a un accéléromètre à l'intérieur de ça, et ça va retenir tout ça dans une puce. Et via Bluetooth, ça va envoyer ça sur ton téléphone ou sur ton ordinateur. Ça va t'informer de la durée de ton brossage. Et l'idée est que tu aies honte d'avoir une si mauvaise hygiène dentaire. Donc, ça va t'aider à avoir une meilleure habitude. Bon. C'est bien ici. C'est joli. Hein? 50$, ça va être disponible sur le marché le mois prochain. 50$ pour une brosse à dents, je trouve affreuse. Ouais. Mais ça fait la job, hein? Bon, c'est pas beau. OK, un problème que moi j'ai dans la vie et que j'ai déjà réglé parce que j'ai trouvé un équivalent à peu près à ça sur le marché, vous allez voir ce que c'est pour mettre ses clés. Tu sais, un anneau pour mettre ses clés. Ouais. Souvent, tu vas te défaire les ongles en essayant d'enlever ou de mettre des clés. De temps en temps. Ouais, ça se peut. Tu sais, quand tu rajoutes une clé dans ton porte-clés, c'est sûrement une fois aux 3 ans, mettons, genre. Ouais. C'est comme assez rare que je rajoute des clés dans mon porte-clés, mais bon. Donc, ça te casse les ongles. Donc, le Freaky, c'est un anneau spécial. C'est qu'il y a un côté avec une petite courbe dedans où tu vas pouvoir appuyer avec ton doigt comme une pince. Donc, tu vas appuyer sur l'anneau. C'est difficile à expliquer un peu visuellement comme ça parce qu'il y a vraiment une image évidente sur assemblagerequis.com. Mais tu squeezes l'anneau et ça va t'ouvrir une petite porte, si on veut, dans ton anneau. Et là, tu peux insérer la clé et lui faire le tour presque complètement librement. Ça va super bien. C'est comme une petite pince dans l'anneau. C'est une idée révolutionnaire là, qui aurait jamais dû ne pas exister. Genre, ça aurait toujours dû être comme ça. C'est tellement évident comme principe. Mais j'adore que quelqu'un l'ait vraiment fait. Donc, design super simple. Le site, par contre, est en suédois. Et pour l'instant, on n'a aucune idée combien ça coûte. Et qu'est-ce qui est écrit? Ben, c'est ça qui est écrit. Mais on s'entend que cette idée-là est tellement bonne que ça peut pas, genre, pas être un succès. Ouais. Ça peut pas être un succès. Ça se dit. Ouais. Le Freaky. Sinon, continuons avec deux derniers. Commençons par le système d'alarme. Le réveil matin, malaxeur, ou robot, comment on appelle ça, robot culinaire. Ouais. Voilà. Donc, c'est un cadran vraiment que tu programmes, disons, à 5h15 le matin, mettons. Et ça va te faire un drink. Donc, t'arrives, tu sais, tu peux t'en venir avant de venir animer la radio. Tu t'en viens avec un genre de Cosmopolitan Naked Sex on the Beach thing. Le matin comme ça. Le matin. Ou encore bien la journée. Évidemment, tu peux partir si tu veux à 5 heures, le soir aussi. Tu programmes, à ton arrivée à la maison, ouais. T'as un drink. Mais tu sais, tout est chaud. C'est ça qui. Ben, faut que tu le prépares le plus. Ouais, c'est vrai, t'as raison. Faut que tu laisses le liquide dedans toute la journée. Non, c'est pas. Ouais. C'est pas génial, finalement. C'est pas si bonne idée que ça. Ouais. Non, je trouve pas l'idée. Faudrait que ça soit réfrigéré ou je sais pas. Exactement. C'est un petit peu bizarre. 17,45$ sur Internet, c'est un peu cher aussi. Et le dernier, vraiment, je l'ai gardé pour la fin parce que je trouve ça vraiment cool. Même si c'est pas techniquement un gadget. Est-ce que je sais même pas si ça se décrit comme étant un gadget. Mais bon, c'est une table de billard pour les bateaux de croisière. Donc, t'es en croisière, okay. C'est sûr que tu peux pas jouer au billard. Parce que ça arrête pas de. Tu sais, avec les vagues, là, ça arrête pas de chavirer. Là, ton pilote italien qui s'en va dans son petit bateau de sauvetage et qui dit ah, revoyez un bande de cave, quel est donc. C'est comme. Bon. Donc, bonne ici, chance. Bonne chance. Ici, c'est vraiment une table. Je sais pas comment c'est fait. Je crois qu'il y a un genre de gigantesque carré de coupé dans le plancher et un système hydraulique, j'imagine, là-dedans. Je sais pas trop quoi. Mais allez voir la vidéo. C'est que, aussitôt qu'il y a une vague, la table entre dans le plancher et va tout le temps être au niveau. Tu la vois bouger pendant que les gens jouent. Donc, vraiment, tu peux. T'as pas besoin de t'en faire. Tu vas tout le temps au niveau. Fait que même si tu pognes une vague, ta balle va s'aller dans le trou pareil. Donc, c'est ça, mais les boules bougent pas. Les boules bougent pas parce que la table reste tout le temps au niveau. Donc les boules sont tout le temps à droite, donc ils vont jamais bouger. Tellement que c'est en temps réel. Ça doit valoir une fortune. Ça doit, mais c'est complètement génial. Et ils disent dans l'article, et je suis tout à fait d'accord avec eux, les bateaux de croisière ont encore plus de succès si les lits étaient faits comme ça, imagine. Si chaque lit était comme ça, les gens seraient beaucoup moins malades en croisière. Peut-être. Parce que quand t'es dans ton lit puis ça a chavé, un très gros bateau, là. Est-ce que... Tu le sais tant que ça ou? Moi, j'ai comme l'impression que ça doit être assez stable. Tu dois pas. J'ai jamais. Moi non plus, je sais pas, là, mais. Tu m'avais monté. Bon, mais j'ai. J'ai reboulé. Ah, excuse-moi, je t'avais parti ailleurs. Ouais. Je divaguais. Non, mais je sais pas si ça fonctionne bien. Je sais pas. C'est peut-être un mensonge qu'ils nous ont monté un beau grand bateau. Un beau grand bateau. On pourrait en faire jour. Ben oui. Je l'ai préparé d'ailleurs. La voici. Non, c'est tout pour la chronique sexe, mais ça devrait pas. On l'a. Une autre chronique tous les jeudis. Et puis les liens sont sur les notes de l'émission de la journée d'aujourd'hui, jeudi 16 février. Assemblagerequis.com. D'accord. Voilà, on prend une petite pause et puis on revient avec beaucoup plus d'assemblages requis. Et la chronique, c'est un fait. Vous êtes assez fou pour l'écouter. Assemblage requis est présenté par le service aux étudiants de l'UQTR. Assemblage requis. Vigilance auditive nécessaire, plan inclus. Cayenne Club, c'est excellent sur la compilation Franc ouverte 16e édition. Et je vous donne le nom de la pièce à l'instant de Medi Cayenne Club, c'est Au Canada. Canada. Tout à fait, ça valait même pas la peine de sortir le papier du chose. Hein? C'était comme évident. Le nom est bizarre. Medi. Medi, M-E-H-D-I. Ouais, c'est ça. Et la pièce de la compilation qui est dans les palmarès en ce moment, c'est Gasoline. Vous allez pouvoir les entendre cet après-midi dans les palmarès C'est fou entre 14h et 17h avec Jazzy Drain et Mathieu Plante. Oh, que oui. Maintenant, assemblage requis à 7h34. Minute. Minute, cocotte. Le 16 février 2012. Qu'est-ce qu'il y a, banane? Tu disais le nombre de degrés qu'il fait d'avoir. Je sais pas. Non, j'allais pas. Tu l'as-tu? Non. Quand on peut trouver ça, par exemple? Non. Bon, t'as dit, moi. Non. À ouais. La place, voici, c'est un fait. C'est un fait, c'est la collecte des choses véridiques, véritables et vérifiables. Les 3V, hein? Fafaboum! Exactement. Et je te parle d'un fait qui se déroule dehors présentement. Okay. C'est 0 degré. Il fait 0 degré, zéro là. 0 degré. En ce jeudi 16 février, 7h35. Ouais, c'est ça, exactement. C'est merveilleux. Et le soleil va se coucher à 17h16 minutes ce soir. Encore plus fantastique, ça, de savoir ça. Je trouve ça vraiment important de savoir. Il s'est levé à 6h50. Non, pas vrai? Oui. Il me semble qu'il faisait quand même relativement clair quand on faisait ça. Un petit vent sud-ouest d'environ 4 km/h. 4 km/h. C'est-tu rapide, ça? Non. Non? Non. Et quand le vent est sud, c'est plus chaud. Fascinant. C'est ça, gars. Fascinant. Donc, la chronique, c'est un fait. Commençons avec le milieu des années 50. Dans ce milieu des années 50-là, Dodge. Dodge. Dodge. Dodge. Dodge. Qui c'est qui s'achète un Dodge? Je sais pas, hein. C'est pas le nom qu'on entend souvent, un Dodge. Non, Ram. Mais ils reviennent, je pense, avec les pick-up, là, je pense. Les pick-up? C'est de plus en plus populaire. Eh ben. Donc, ils ont inventé une voiture spécialement faite pour les femmes. Ah ouais? La voiture s'appelait La Femme. La femme? La femme. Elle était rose et blanche, oh. Avec un intérieur imprimé, là, de petites fleurs. Tu as sorti ça au salon de l'auto? Je sais pas, mais c'était au milieu des années 50. Je crois que c'était vraiment un modèle grand public. Là, tu pouvais acheter ça. Ah ouais, tu pouvais acheter ça. La femme. J'ai jamais vu ça, moi. Kellogg, la compagnie Kellogg, tu connais les céréales, etc. Ben oui. Donc, ils achètent la compagnie qui fabrique les Pringles. Pour 2,7 milliards de dollars. Ça, vrai, c'est cher. Mais ce que tu savais peut-être pas, c'est que le nom Pringles a été choisi dans un annuaire. Ah ouais? Donc la compagnie Procter & Gamble aimait le son, la sonorité de Pringle Drive. Genre l'avenue Pringle. Pringle Drive. C'est joli quand même. Ah ouais, les chips, c'est ça, joli. Fonctionne très bien. C'est pas comme Bugles. Bugles. C'est pas beau, ça, les Bugles. C'est laid comme nom. C'est les petits triangles, c'est revenu ça, parce que moi, quand j'étais jeune, je mangeais ça des Bugles. C'était bon. C'est comme les petits genre de pyramides, là. C'est comme un genre de cône que tu mets dans ton doigt, puis. Ah non, je sais pas. Super bon, c'est bon. Mais ça. Bugles, ils en vendent un petit sac, ils en vendent plein de pubs pour eux autres. Maintenant, ils doivent nous en envoyer parce qu'on leur a fait de la pub. Hein? Non, c'est marche pas de même, je pense. Donc, nouvelle pour vous faire sentir vieux, François, Wayne's World. Ouais. C'est quoi en français, le monde selon Wayne? Ouais, exact. C'est sorti au cinéma il y a 20 ans. Non, ouais. Il y a 20 ans. En date du 14 février Saint-Valentin. On est vieux. Est-ce que tu t'es déjà demandé... Est-ce que je vais refaire la phrase, OK? Est-ce que tu t'es déjà demandé pourquoi les touches sur ton clavier sont dans l'ordre qu'elles sont? Non. Tu sais, on appelle souvent ça les claviers QWERTY. Ce qu'on a, nous, en Amérique, QWERTY, la première rangée. En France, c'est AZERTY, AZERTY. Les touches sont toutes à des places différentes. C'est super mêlant quand tu prends un clavier français. OK. Mais bref, le clavier qu'on utilise souvent, le plus souvent, QWERTY, aux États-Unis, au Canada. C'est à cause que les touches originales des claviers sur les dactylos, ça jamais les deux pattes, tu sais, dans un dactylo, c'est des petites pattes qui vont aller imprimer les, tu sais, ouais. Quand c'était fait trop vite, glou, ils pognaient ensemble. Ils pognaient ensemble. Ils pognaient ensemble. Donc, ils sont arrangés pour rendre les touches les plus hétéroclites à des endroits que t'aurais moins besoin. Pour que ce soit plus difficile de taper. Donc, c'est en 1874, Christopher Sholes qui a développé cette façon de placer les touches-là. Il essayait vraiment de faire décélérer la vitesse que les gens pouvaient taper. Donc, pour réduire le jamming. Même si la technologie moderne n'a plus de problème avec le jamming, le terme technique, si. On continue ça à rester. Ouais. C'est quand même vraiment intéressant, je trouve. Vraiment. Celui-là, je peux même pas croire qu'ils ont été obligés de faire une page pour ça, pour parler de ce fait-là. Mais je vais vous l'enseigner au cas où que vous n'avez pas figuré ça par vous-même. Et là, je dis pas que si vous êtes pas au courant que vous êtes stupide, c'est vraiment pas ça. Mais moi, dans ma tête, ça avait l'air logique, comme ça. Quand tu claques des doigts, c'est pas tes doigts qui font le bruit. C'est ta paume. C'est ta paume. Ouais. Est-ce que tu trouvais ça, toi aussi, assez logique et évident? Oui. Ouais, bon. Donc, on nous dit, parce que c'est sûr que si tu snaps comme ça, le bruit se fait. Mais si tu mets quelque chose pour t'empêcher, mettons une feuille de papier sur ta paume... Ouais, c'est ça. Ça va faire le bruit du papier. C'est intéressant, hein? Ouais. Pas du tout. Tu nous racontes vraiment ça ce matin? Mais c'est ce que je me demandais. C'est même pas une blague? Hein? C'est même pas une blague? Peut-être que oui, peut-être que non. Tu ne sauras jamais. C'est quoi cette blague? Je sais pas. Donc, on nous dit que évidemment, frotter ses doigts ensemble pour faire le claquement de doigts, ça ramasse de l'énergie et quand le doigt frappe la paume... Ben, ça fait juste accumuler de la vitesse. Hein? C'est juste pour aller plus vite. Ça va à des MPH là, de... Ou des KMH. Des KMH. Des Michel Barrette. Non. Eh bien, sur ce moment magique. Aphrodisiaque. On va y aller avec des nouvelles que je vous conseille, en fait, les âmes sensibles, ceux qui ont le cœur sur la flotte, ceux qui, tu sais, en croisière seraient malades et vomiraient. Est-ce qu'on dit vomiraient? Vomiraient partout. Ouais. De quitter la pièce ou de baisser le volume juste un petit peu. Je vous conseillerais pas de changer de poste parce que non, ça pourrait vraiment vous brusquer et puis vous pourriez vraiment après ça être fâché pour le reste de la journée. Parce que moi, ça me stresse, les autres postes. Hein? Donc, à la place, baisser le volume juste 10 secondes, 15 secondes. Ou même 30. Donc, un scientifique japonais a fabriqué un hamburger à partir de défécation humaine. Oh. Ouais, c'est un scientifique japonais nommé Mitsuyuki Ikeda qui a développé un nouveau hamburger fait de choses qui proviennent directement des égouts. Ikeda dit qu'il a développé cette viande-là pour combattre les prix de la viande qui n'arrêtent pas d'augmenter et le dommage à l'environnement qui est créé par ça. Donc, il dit que cette nouvelle viande est meilleure pour la santé et endommage moins la nature parce que c'est des matériaux recyclés. Donc, la bactérie dans les égouts est annulée complètement en la chauffant et en ajoutant des produits chimiques. Ça consiste donc à 63% de protéines, 25% de carbo, 3% de lipides, 9% de minéraux et c'est presque identique visuellement à de la viande rouge. Bien. Et c'est meilleur pour la santé, tout est parfait là-dedans. Moi, personnellement, pas convaincu et probablement pas convaincable non plus. Non. Probablement pas. Toujours le volume baissé pour les cœurs sensibles. Le café le plus cher au monde est fabriqué à partir aussi de défécation. Okay. Ça s'appelle le Kopi Luwak. C'est le Civet Coffee. Et c'est le café le plus cher au monde. Ça coûte environ 160$ par livre. Pourquoi est-ce que le café est aussi cher, ce café-là? Eh bien, il est fabriqué probablement en Indonésie. Et le Civet Coffee, ça provient des cerises, des baies de café qui ont été mangées par le Asian Palm Civet. C'est un animal. Et là, si je cherche Asian Palm Civet, voir s'il n'y avait pas des photos de ça. C'est un drôle animal. En le regardant, il a l'air complètement bizarre. Avec une petite face de rat, puis un corps de chat. C'est bizarre, gil. Okay. Mais c'est ça, c'est un petit animal. Je sais pas de quelle espèce ça provient. Donc, une fois que les baies ont été mangées et partiellement digérées, passées par toutes les intestins, ces affaires-là, on ramasse ça, on les fait rôtir. Et même si ça a l'air dégueulasse, apparemment, c'est le café le plus aromatisé. Et le moins, comment tu appelles ça, bitter du café, bitter pas amer? Ou, je sais pas. En tout cas, peut-être. Mais ouais. Bref, ça aurait du sens. C'est le moins sale. Donc, c'est du café Kopi Luwak ou Luwak, K-O-P-I-L-U-W-A-K. Le lien est sur assemblagerequis.com. Si vous voulez voir la source de cet article-là, comme les sources de tous les articles qu'on mentionne dans la chronique, là, c'est pas comme si c'était nouveau qu'on mentionnait les sources. Mais allez voir ça, il y a des photos de tout plein de choses, dont l'animal et dont le café et dont les gens qui ont l'air heureux de ramasser le caca. Hop, oh, je voulais dire défécation. Mais t'as dit que je dirais pas le mot. Toujours dans le même domaine, mais un petit peu moins difficile à comprendre et à digérer celui-là. Ben & Jerry, la crème glacée Ben & Jerry, ils envoient les restants de leur crème glacée, donc les déchets qui sont faits pendant la création de la crème glacée, à des fermiers de cochons pour nourrir leurs cochons. Et les cochons adorent ces déchets de crème glacée-là, excepté pour une seule saveur. Quelle saveur est-ce que les cochons n'aiment pas? Oreo à la menthe. Pour vrai? Ouais. Ne mange pas? Ne mange pas Oreo à la menthe. Ah bon? Je sais pas pourquoi. C'est bizarre. C'est bizarre. Ouais. On va parler plus tard dans l'émission avec Simon Fitzbé de John Peel, BBC, etc. Il y a une émission sur la BBC. En 1957, l'émission Panorama, qui a réussi à convaincre les Britanniques que le spaghetti venait d'un arbre à spaghetti. OK? Ouais. Hein? Donc, ça a commencé comme blague du poisson d'avril. C'était présenté comme un reportage de 3 minutes à l'émission Panorama. C'était une émission documentaire qui a le record. Dans le fond, c'est l'émission de documentaire ou d'affaires publiques qui a duré le plus longtemps dans le monde. Donc, l'idée a commencé avec Charles de Jaeger, un caméraman pour l'émission, qui s'est rappelé que les professeurs en Autriche agaçaient les enfants quand ils les trouvaient stupides. Ils les agaçaient, ils niaisaient, ils leur faisaient des petites blagues. Donc, la blague était que si le spaghetti... dans le fond, c'est inventé la blague que le spaghetti poussait dans les arbres et que les gens, ils avaient misé, dans le fond, qu'ils avaient gagé que les gens le croiraient. Donc, les Britanniques l'ont cru. grâce à une voix super autoritaire dans le reportage, une voix super genre journalistique là, et un reportage bien présenté. Donc aussi on disait parce que en 1950 ou dans les années 50, le spaghetti en Grande-Bretagne c'était considéré comme exotique, quelque chose de rare et de luxe, le spaghetti à ce moment-là. Donc, on estime que 8 millions de personnes ont vu le reportage ce jour-là. Des centaines de personnes ont appelé la station le lendemain pour demander plus d'informations, pour savoir comment cultiver ces arbres à spaghettis-là. Et d'autres ont évidemment demandé si c'était vrai. Donc, il y en a des un petit peu plus crédules et incrédules. En tout cas, je me rappelle jamais c'est lequel, ce mot-là. Voilà pour l'arbre à spaghettis, j'aime bien l'idée. Savais-tu que les pupilles des chèvres sont rectangulaires? Quoi? Les pupilles. Dans l'œil. J'ai compris des pipis. Les pipis, les chèvres sont rectangulaires. Non. C'est pas ça, je savais pas. Ouais, c'est tout à fait vrai. C'est bizarre. Même ça a l'air bizarre pour nous, les humains. Ouais. Ben, en fait, c'est commun pour bien des animaux qui ont des pupilles carrées ou rectangulaires. Les scientifiques ont découvert que la raison que les chèvres... Goat, c'est bien chèvre, hein? Parce que, à moins que je me trompe, goat, c'est chèvre. Ouais, c'est ça. Lamb, c'est mouton. Ouais, OK. Donc, ça leur permet de voir plus large autour d'eux-mêmes. Donc, vu que les pupilles, leurs pupilles sont plus larges, ils peuvent voir à 340 degrés, alors que les humains sont limités à 210 degrés. Donc, c'est vraiment quand même pas mal beaucoup plus. Leurs pupilles les aident à voir mieux aussi la nuit, parce qu'ils peuvent ils peuvent les fermer plus longtemps pendant la journée pour... qu'est-ce que ça veut dire, ça? We close more during the day to restrict light. Ils peuvent les fermer plus longtemps pendant la journée pour empêcher la lumière de passer, quelque chose de genre. En tout cas, bref, ça fait qu'ils voient mieux la nuit. Voilà. Et un autre animal que les pupilles carrées, c'est la pieuvre. OK. Intéressant, j'aime ça. Une femme a un record, vous savez peut-être, vous l'avez peut-être déjà vu, ceux qui sont fanatiques de ce genre de choses-là sur Facebook, de suivre des faits divers, qu'il y a une femme qui a les plus gros seins du monde, les plus gros implants mammaires, là, et on s'entend que c'est pas ça naturel. Sa vie a été sauvée grâce à ses implants mammaires, François. Alléluia! Praise the Lord! Comment ça? Donc, elle dit que ses implants, 38 triple K, triple K, là, comme le Cookers Land. Ah, mais c'est des E-F-G-H-I-J. Non, arrête, non. C'est des seins racistes, en fait. C'est quoi son nom? C'est quoi son nom? On va taper ça dans Google. Attends un peu. L'histoire l'a dit. Non, mais je vais le trouver. Pas que je veux absolument voir ça, mais dis-moi son nom. Il me semble, c'est Sheila Hershey. S-H-E-Y-L-A. Hershey, comme le chocolate. Donc, Mme Sheila Hershey, avec ses seins 38 triple K, ça l'a sauvée de la mort certaine. Elle est propriétaire donc des implants mammaires les plus gros du monde et elle revient d'un party du Super Bowl récemment et puis elle a perdu le contrôle de sa voiture et est entrée dans un arbre. On l'a arrêtée pour conduite sous ébriété, en état d'ébriété, pas tant de choses. Burr, slack. Ouais, mais en effet. Et parce qu'elle n'avait pas porté sa ceinture de sécurité. Par contre, coussin gonflable. Mais ouais, c'est ça, coussin gonflable. Mais en même temps, je veux dire, Colin, une ceinture de sécurité, ça se porte, hein, tu sais. Ah, mais c'est hallucinant. C'est du luxe. Ouais. Donc, elle dit que l'accident m'a fait mal. J'ai mal à mes seins, mais ils m'ont protégé. Ils ont protégé le reste de moi, qu'elle dit. Apparemment, elle doit se sentir encore plus en sécurité. Elle va se sentir plus en sécurité bientôt parce qu'elle veut avoir une autre chirurgie pour augmenter encore de deux bonnets. Deux bonnets, ça veut dire quoi? 40 KKK ou 38... Les bonnets, je pense, c'est ça, c'est les K. Je pense que c'est les lettres. Non? Donc, ça va être des 38 triple M. Oh... C'est sérieux, c'est énorme. C'est pas beau tout de suite. Sérieux, chacun de ses seins est au moins une fois et demie plus gros que sa tête. Pas une fois et demie, une demi-fois. En tout cas, tu comprends ce que je veux dire. Sa tête et demie. Au moins. Une fois et demie. Une fois et demie. Une fois, ça voudrait dire qu'elle serait de la même grandeur que sa tête. Ouais. OK, puis après ça, une fois et demie. Ouais, t'as raison. Ouais, parce que... Mais c'est... Sérieux, c'est pas beau. Mais... Non. C'est pas beau. C'est pas beau. Non. Non. En tout cas, ouais. Ouais. Bon, de quoi qu'on parlait? Il nous en reste un dernier. Un couple de la Nouvelle-Zélande qui a perdu la garde de sa fille, de leur fille, en fait. En tout cas, le couple, mettons, sa fille, à cause de son nom. Ça a l'air ridicule, mais c'est quand même commun dans ces endroits-là, donc en Nouvelle-Zélande, entre autres. Ce couple-là a nommé sa fille Talula Does the Hula from Hawaii. Donc, sa fille s'appelle, leur fille, Talula Danse le Hula à Hawaii, ou quelque chose de genre. Donc, les parents... dans le fond, se sont fait enlever leur enfant à cause de, ils disent, d'abus envers leur enfant et dommages émotionnels que leur fille va vivre plus tard. Les parents sont restreints dans les noms qu'ils peuvent choisir. Il y en a d'autres qui ont été rejetés, d'autres noms, comme quelqu'un qui allait appeler son enfant 1069. Un autre, c'était BRFXXCCXXMNPCCCCLLLMMN. Et là, je précise parce qu'il en reste la moitié encore. Ah, il en reste un paquet. Ça finit par 11116. On dirait une clé pour ton routeur Internet. et un autre qui s'appelait D, comme Hello pluriel. T-H-E-Y. C'est mal. Génial. Ouais, pour la chronique, c'est un fait, François. On a appris des choses sur des défécations. On a appris un arbre de spaghetti. On a appris des gros seins. Et, ouais. Et évidemment, le claquement de doigts sur du genre de faux cuir, ça fait-tu... Ouais. Yeah! C'est réussi. Moi, ça me laisse sur ma faim, un peu. Moi, un petit peu. Je vais aller manger de la viande d'égout. Non. Non. Voici Heathrow, Long Way to Go. Ça me fait plaisir, François. C'est juste tendre, un matin. Ah. Tendre comme un morceau de viande. Hein? Une fois que tu tapes dessus, hein, avec tes seins. Ça pourrait servir à ça, par contre. Peut-être, effectivement. Tu peux trouver des utilités. Il y en a qui cassent des noix de coco et des melons d'eau avec leurs seins. Ah, j'ai vu ça. Ouais, j'ai vu ça. Ouais. Cracking on the fire is a sweet song to my ears. Just like a lullaby when I go to sleep. When the light of day turns into darkness, I sit by the fire and give my mind a rest. Give my mind a rest. Yellow flames dancing through the evening, casting shadows on the wall. I see the little voice in my head, trying to keep me here. Still a long way to go. And goals of my life, and keeping my dreams for tomorrow. It is slowly dying, slowly dying. Dark gray clouds, the sun always shines. I've 30 years, long black night. Morning is still alive. When the light of day turns into darkness, I sit by the fire. Give my mind a rest. Still a long way to go to reach the goals of my life. Keeping my dreams for tomorrow. It is slowly dying. Still a long way to go to reach the goals of my life. I'm keeping my dreams for tomorrow. It is slowly dying. Song to my ear, East Road, a long way to go. Pour terminer cette première heure d'Assemblage requis, votre émission matinale en pièces attachées. Avec Mathieu Plante. Et François-Olivier Marchand. Je pense que de vive voix, ça fait longtemps que je n'avais pas dit cette phrase-là. Ouais. Avant, je le disais tout le temps, l'émission matinale en pièces attachées. Je ne le dis plus. Je sais pas, j'ai pas remarqué. C'est Marie-Pierre qui le dit à la place, une prononceuse. Oh. Donc voilà pour cette première heure. De tout à l'heure, on va voir Simon Fitzbé, sa chronique sur John Peel. Dans oui, il parle de John Peel ce matin. Oui, les sessions de John Peel de musique live. Donc j'imagine qu'on va entendre des extraits de gens qui ont joué dans les studios de John Peel. Voilà. On aura aussi François Landry. Oui, il va nous parler de la CAQ ce matin vers les 8h30. C'est sûr, c'est sûr. Pour l'instant, on écoute l'Info Campus. Restez là. Vous êtes assez fou pour l'écouter. Le service aux étudiants de l'UQTR vous présente Assemblage requis. Bonjour à Assemblage requis pour toi aujourd'hui, en ce jeudi 16 février 2012. Lui, c'est François-Louis Marchand. Lui, c'est Mathieu Plon. Oui, et on vous cuisine une belle petite deuxième heure remplie de citron et le lime et de les petites épices chinoises fines. Ça va être savoureux. Ça va être savoureux. Ah oui, je brasse ça, là. Parle-moi de ça. Ouais. Avec tes bras, là. Les bras laser. Apparemment. Les bras laser. Le même son qu'un fusil laser, ça peut. Bon. Hey, on va commencer cette deuxième heure avec une pièce qui est relativement longue. OK. Ce matin, la formation de Mars Volta, oui, qu'on n'entend pas ici à Assemblage requis, mais c'est bon, et j'ai entendu ça l'autre matin ici à Cifou. Dans la nuit, des fois, on joue l'anglophone. Ouais, c'est ça, exactement. Ouais. Et puis, ça m'a donné le goût d'entendre ça, et c'est une bonne pièce. C'est assez long, on va peut-être la couper un peu. Bon, non, non. De oui, de oui. Il dit combien de temps il reste à la chanson. Je dis la moitié environ. Il dit avance là. Oui. C'est sûr. Non, mais c'est un peu. Ça fait un peu extraterrestre ce matin. Là. Un peu, là. Ouais, un peu. Mais le début était excellent. Oui, c'est ça. Mais est-ce que ça revient parce que t'as pas l'air sûr? Écoute, ça fait quand même longtemps que j'ai pas entendu. Bon, okay. Tout, vu qu'on parle. Hey, écoute, ouais, on peut l'avancer un petit peu. Parce que si on n'avait pas parlé, j'aurais trouvé ça bizarre. Ok, on va avancer un petit peu. Ok, mettons, il y a tout un délai. Bon. Le buffering. Je pense qu'il buffer pas, je pense qu'il retourne au début. Ah, oh, ouais, pour vrai. Bon, ben, c'est super. Merci François pour ton beau choix musical. Ben, merci. voilà, donc, vous êtes à l'assemblage requis, 8h03. On va écouter une autre pièce tout de suite à l'instant de The Wilco. Oui, et on aimerait saluer Simon Fitzbé qui nous écoute en ce moment. C'est ça. Ouais. Enchanté de faire votre connaissance. Ouais, exactement. Ouais. Fait que Wilco. Wilco! Oops. Soul, heart of coal, heart of gold, so I've told. I've been lost, I've been found, I've been taken by the sound of my own voice, voices in my head. Mis par Wilco à assemblage requis à 8h07. Oui. Et là, on s'apprête à avoir un ingrédient de qualité ce matin. Ah ben, Caroline, saupoudrons un petit peu de Simon Fitzbé dans ton jour. Oh, Bonjour Simon Fitbay. Bonjour messieurs. Ça va bien. Ça va très bien vous-même. Oui, ça va bien. Oui, oui, ça va bien. Ouais, ça va? Bon matin. André Gileno. Donc Simon Fitbay qui nous parle de John Peel aujourd'hui, le célèbre animateur radio. Oui. Oui. Oui. Ma petite voix, ça va pas bien pour ma gorge quand je parle. Il faudrait que tu te... Que tu te pèles l'oignon pour pleurer. Peut-être que ça va débloquer tes voix nasales et ton. Ouais, ouais, ouais. Ah, c'est une bonne idée, effectivement. C'est un jeu de mots avec Peel, t'as vu. Peel, Celle-là était très, très bonne. Merci beaucoup. Elle était subtile, mais elle était plus subtile, des fois. Des fois, il faut chercher. Donc, oui, cette semaine, Phénomène vous présente tout un personnage, en fait, un des meilleurs animateurs de radio de toute l'Angleterre qui a sévi sur les ondes de la BBC pendant plus de 3 décennies et qui a su perfectionner son art, bien sûr, et changer à sa façon notre approche de la radio comme quelque chose de réservé aux amateurs de musique qui cherchaient à découvrir de nouveaux artistes les plus intéressants les uns que les autres. Donc, cette semaine, je vous présente une personnalité des plus importantes de la BBC qui a aidé ou tout simplement détruit les carrières, bien sûr, John Peel, l'animateur radio. En fait, il s'agit de John Ravenscroft, qui est né tout juste au début de la Seconde Guerre mondiale, en 1939, près de Liverpool. Liverpool, bien sûr, qui est connu pour ben des choses, mais surtout les Beatles, hein, n'est-ce pas? Oui. Et il fait ses premières armes derrière une console pendant son service civil militaire en tant qu'opérateur naval. C'est là, bien sûr, qu'il y a eu la piqûre des boutons puis des trucs, puis de parler dans des micros avec des écouteurs à ses oreilles. Ah, ben, quand même. Comme nous autres, ça. On aime ça. Et donc, par contre, il faut attendre quelques années avant d'entendre sur les ondes hertziennes. Peel est devenu travailleur manuel dans les années 60 après son service. Et il s'est envolé en Amérique afin de travailler dans le coton, travailler dans une industrie de coton, oui, effectivement. Et il est devenu par la suite vendeur d'assurance dans la région du Texas. Il a d'ailleurs rencontré John F. Kennedy pendant cette période, alors qu'il faisait campagne pour devenir président. Et il s'est fait passer pour un journaliste de l'Écho de Liverpool afin d'assister au transfert de Lee Harvey Oswald, bien sûr l'assassin de Kennedy. Et on peut l'apercevoir dans la vidéo de l'assassinat en direct de Oswald dans le stationnement du poste de police où le présumé assassin de Kennedy s'est fait attaquer, bien sûr. Il s'est trouvé, un premier emploi bénévole au poste de radio AMWRR à Dallas. Il animait une partie d'un programme de variété radiophonique. Il fut ensuite engagé par la station KLIF, Cliff, à Dallas, en tant que correspondant officiel des Beatles, puisque, bien sûr, il venait de Liverpool. Il fallait avoir un accent anglais pour parler des Beatles. Exactement, exactement. Et c'était, en fait, on rajoutait de la crédibilité si on avait un British derrière le micro. C'est encore le cas aujourd'hui, en fait, pour les Britanniques, qui ont tout le temps l'air super crédibles, même s'ils sont complètement stupides. Oui, c'est incroyable. C'est vraiment le ton de voix, ça marque l'imaginaire. Comme les Français. Hein? Oh, oui, comme les Français. Ouais, mais ça, des fois, ça peut... Non, bref. C'est ça, c'est très trompeur dans ce cas-ci. Ouais. Il a ensuite enchaîné, bien sûr, les postes d'animateur en Oklahoma, puis en Californie, toujours de plus en plus prestigieux, avec de meilleures cases horaires également. Il est retourné par la suite en Angleterre en 1967 afin d'animer une émission intitulée The Perfume Garden. Ah, c'est donc inquiétant, le jardin parfumé. Ouais, en fait, c'est le titre d'un roman érotique. Ah! Mais lui, il dit qu'il l'a pas lu. Mais ben non, il trouvait ça bien beau, The Perfume Garden. Et c'était entre minuit et 2h du matin, donc le titre est encore plus approprié, en fait. Et bien sûr, c'est l'heure idéale pour animer. Minuit, 2h du matin. C'est ça. Ben, il y a cette tendresse. Ben, moi, j'aimerais ça. Si je pouvais. Pourquoi tu le fais pas? Ben, si je pouvais me coucher tard, me lever tard, puis pas avoir de vie dans la journée, ben, j'animerais ça. C'est un sport de fin de semaine, ça? Hein? Ouais, ouais, mais c'est. En tout cas. Ouais, c'est ça, je pense. Il y a plein de facteurs. Bref. Donc, c'était bien sûr sur les ondes de la radio pirate Radio London, située sur un bateau au large de l'Angleterre. Si vous avez déjà abordé ça. Ouais, on avait déjà parlé de ça. C'est intéressant ce qu'on était d'ailleurs. Merci beaucoup. Et son émission présentait des groupes appartenant au mouvement classique de blues et de folk, mais également du jeune mouvement psychédélique qui émergeait sur la côte ouest des États-Unis et quelque peu en Angleterre. Chaque nuit, il faisait tourner des artistes émergents tels que Tyrannosaurus Rex, voilà, Tyrannosaurus Rex. Tyrannosaurus Rex. Captain Beefheart ainsi que Fairport Convention. C'est un peu grâce à lui que ce style de musique encore très obscur commença à se faire connaître en Grande-Bretagne et on associe dès lors son nom avec la scène underground naissante en Angleterre. Rose, no bigger than a bubbly star. Medieval dove, elf, and all an empty wooden truck, a cradle in your musket side. Holly Pilsner, magnificent, start to tulip in the summer of his lily white. Holly Pilsner, theatrical, Mrs. Swirl dancing on the hip of his ripple. Holly, naughty to pretend it's so naughty, so bad. Oh, Holly. Rose, rose, rose, rose, no bigger than a bubbly star. Garland, dear, but blue was true with silver, best from won't you ask me to lean your silver side. Holly Pinstead, magnificent, start to kill me in the summer of his lily white. Holly Pinstead, theatrical, Mrs. Swift dancing on the hip of his lip. Oh, Holly, naughty to pretend it's so naughty, so bad. Oh, Holly. La la la la la da da da da da da la la la la la da da da da da da la la la la la da da da da da da la la la la la da da da da da da. Et il s'agit de Tyrannosaurus Rex. Yeah! Oh, tu l'as bien eu, là. Ouais, tu l'as bien eu. Bien sûr. Donc, le groupe qui allait devenir T-Rex avec le très célèbre et très génial Mark Bolan. Et c'était la pièce O Harley tirée de leur second album. Et O Harley qui est aussi connu par le nom de Saltimbanque. Saltimbanque. C'était un des groupes favoris de John Peel qui faisait tourner, bien sûr, puisque cette semaine, nous discutons de John Peel en cas de phénomène, en cas d'assemblage requis, bien sûr. Et malheureusement, par contre, John Peel, qui était animateur à Radio London, eh bien, sa carrière fut de plus courte durée puisque les autorités britanniques firent fermer la station pendant l'été 1967. Il est arrivé en mars 1967 et il a travaillé jusqu'à la fin de l'été, donc à peine même pas 6 mois, en fait. Par contre, Ravenscroft, qui était devenu John Peel pendant qu'il était à la station britannique, on lui avait dit que son nom n'était pas assez radiophonique et donc il s'est trouvé une autre... notre appellation. Il a trouvé quelque chose. Qu'est-ce qu'on dit dans ce temps-là? Quelque chose de plus facile à épeler. J'ai fait la blague tantôt. Elle marchait comme pas pire. Je me suis dit, moi, la réussite en nom. C'est bonne ce que idée. Je non, mais c'est une bonne idée. Il avait eu le temps de développer une forte relation avec ses auditeurs qui lui envoyaient de la nouvelle musique ainsi que de nombreuses lettres d'encouragement. De plus, c'est une chronique hebdomadaire qu'il publiait dans un journal underground de Londres aidait beaucoup à sa popularité. Zone Campus de Londres. Et donc, c'est ce qui l'aida, bien sûr, à se faire engager par la suite par la BBC qui débutait une diffusion de musique populaire avec la station Radio One. Il débuta l'animation de Top Gear sur les ondes de la BBC. Émission de char? Non, pas à l'époque, non, c'était pas une émission de char. Émission de chevaux. Non, en fait, il présentait de la musique émergente qui attirait son attention. Du même coup, il a commencé à inviter également certains de ses artistes préférés, tels que Pink Floyd, David Bowie et bien d'autres, à venir jouer en direct à la radio. Et c'est le début des fameuses Peel Sessions qui firent sa renommée. Il fut à la barre de l'émission Top Gear jusqu'en 1975, donc quand même c'est une bonne période pour animer. Il gagna également de la notoriété en avouant pendant un épisode de son émission Night Ride, celle-ci qui était présentée le soir de minuit à 2h, comme The Garden Perfume, oui. En 1969, en fait, il a avoué qu'il avait contracté une maladie vénérienne au courant de l'année. Ah ouais? Eh oui. Night Ride, qui était une émission beaucoup plus expérimentale que Top Gear, par contre, et était présentée en soirée, comme je le disais. C'était à cause que c'est Night Ride qui a attrapé les maladies. Night Ride, galopé ça, dans la nuit. Problème sur... Peut-être. On a compris l'image. Ah là là. Oh, ouais. L'image est assez clair. Et donc, il s'agissait d'une émission en fait de musique et de poésie où Peel recevait plusieurs artistes afin de présenter de nouvelles œuvres en ondes. D'ailleurs, il avait reçu John Lennon et Yoko Ono pour que ceux-ci fassent jouer une cassette des battements de cœur de leur enfant à naître. En fait, qui n'est pas né parce que Yoko Ono a fait une fausse couche. Mais bref, c'est la musique expérimentale. À force de recevoir ces artistes dans le studio de la BBC, bien Peel s'est noué d'amitié avec plusieurs d'entre eux, dont Captain Beefheart, entre autres, pour lequel il fut chauffeur lors d'une tournée. Et il embarquait tout le groupe dans une Mini. Une Mini, je ne sais pas si c'est quand même assez petit. Cette groupe de Captain Beefheart au complet qui était là-dedans. C'était combien? Je sais pas si c'est l'année où il était avec son Magic Band, mais ça pouvait être jusqu'à 7-8 musiciens. C'est assez particulier. Peel, il s'est aussi affairé à la presse et à la publication de disques en mettant sur pied une petite étiquette indépendante nommée Dandelion, un label qui a lancé 27 albums par 18 artistes pendant ses 3 ans d'existence. Des artistes comme Gene Vincent, Tractor, Stack Whitey, et Bill Oddy. L'étiquette a connu un seul numéro 1, au Liban. Ça a été leur seul numéro 1. Et il s'est marié le 31 août 1974 avec Sheila Gilholdy. Comme il était un bon ami des musiciens, bien c'est Rod Stewart, alors chanteur des Faces, qui a été son témoin. Puis il a toujours été à l'avant-garde, bien sûr, faisant connaître de nouveaux groupes et de nouvelles musiques émergentes à ses auditeurs. Après T-Rex, Captain Beefheart et Black Sabbath, Peel a initié l'Angleterre au punk, en faisant jouer d'ailleurs un nouveau groupe de New Yorkais en 1976 qui arrivait avec un son tout nouveau. Il s'agit bien sûr des Ramones, groupe légendaire de punk qui a commencé à sévir sur les ondes de la radio en 1976. Et c'est d'ailleurs John Peel, les a introduits en Angleterre, qui a diffusé cette musique un peu partout, alors que la BBC refusait de jouer n'importe quoi qui était punk et qui était rapide comme pouvaient l'être les Ramones. John Peel lui est allé complètement à contre-courant. Bien sûr, c'est dans le cadre d'Assemblage requis, c'est la chronique Phénomène qui vous parle de John Peel. Il fut un grand porte-étendard du punk vers la fin des années 1970. Il a aidé à faire connaître des groupes tels que les Sex Pistols, Clash, Buzzcocks, ainsi que The Undertones, qui était d'ailleurs son groupe favori de tous les temps. Il continua dans la même veine pendant les années 1980, alors que le monde de la musique comptait en fait de plus en plus sur le commercial, formaté, un son commercial et formaté. Peel présentait encore des nouveaux talents tels que Simple Minds, The Cure, les Cocteau Twins, ainsi que New Order, qui étaient encore très peu connus et qui sont toujours restés nichés pour un public un peu plus alternatif, comme les fans de John Peel, justement. Bizarrement, la décennie 80 marque également l'arrivée de Peel à l'animation de l'émission de télévision Top of the Pops, qui présentait, comme son nom l'indique, bien sûr, l'artiste au top du palmarès. Ça joue en français pendant plusieurs années, je crois que c'était à Musimax. Ah, c'est bien Top possible. Oui, c'est très bien possible. Oui, d'ailleurs, il y avait les vieilles émissions aussi où on avait eu Black Sabbath. C'était vraiment complètement différent de ce qu'il faisait à la radio. Bien sûr, c'est un emploi qui était principalement alimentaire, puisqu'il y avait des des préférences musicales aux antipodes de celles de ses téléspectateurs. Juste le nom le dit. Hein. Pop. Wow, c'est au sommet de la pop. Là, exactement. Il ouais. fallait que tu ailles un numéro 1 pour aller là. C'est un ça. Peu comme... C'était comme Palmarès avec Virginie Coussi-Coussa. Oui, oui, effectivement. Ou Jeunesse d'aujourd'hui aussi à oui. l'époque. Tous des équivalents. Des émissions semblables. Mm-hmm. Mais Palmarès, c'est vrai, c'était la mauvaise. Je pense que c'était basé sur Top of the Pops. Moi, je regardais juste pour l'animatrice. Ben oui, comme tout le monde. C'est belle. Joli. Mais bref, dans les années 1980, il était une sommité musicale, bien sûr. Et il découvre, entre autres, en 1989, Nirvana. Et il les invite pour une Peel Session bien avant que le groupe devienne un phénomène, bien sûr, le phénomène grunge qu'on a connu dans les années 90. Il fut également à l'avant-garde avec des artistes, entre autres, tels que PG Harvey, The Lemonheads, ainsi que The Charlatans, qui ont connu un succès après qu'il soit passé chez John Peel. Pendant les années 90, Radio One subit une cure de rajeunissement et Peel est le seul des vieux routiers à garder son poste. On peut facilement dire que son goût pour la musique émergente et sa popularité personnelle l'ont aidé, bien sûr, à garder son poste. Il a multiplié les projets également pendant les années 90, en plus d'être une figure de proue de la BBC à la fin du millénaire, animant des rétrospectives ainsi que des rétrospectives de sa propre carrière. Ah oui, il a animé sa propre rétrospective de sa propre carrière. Oui, ben, en fait, il y a eu plein de documentaires sur lui, puisque son 60e anniversaire l'a hissé au rang des légendes de la radio. Et ce fut le début de nombreux hommages à l'homme le plus influent, bien sûr, de la radio britannique. Donc, il y avait des documentaires à la fois à la télévision, à la radio, sur John Peel, participait bien sûr à ça. Okay. Et on dit qu'à peu près tous les artistes du showbiz, on parle, on s'entend, les musiciens ouais. Favoris de John Peel ont tous participé sans problème. Donc, il était tellement aimé par tout le monde. Et donc, il était également à la barre de la radio Internet de la BBC et écrivait des émissions documentaires à Radio 4, une station consacrée à la radio parlée, qu'on pourrait comparer à Radio-Canada sur la bande FM qu'on a aujourd'hui. Il a affirmé également aimer s'éloigner de son job de DJ traditionnel, c'est-à-dire faire jouer de la musique, faire jouer des disques, pour s'intéresser à la vie de tous les jours des gens, ce qui était d'ailleurs le cas de son émission qui s'appelait donc The Hour, quelque chose genre. De service, une émission de service, oui, genre, oui, c'est ça. Il faisait des interviews, oui, oui. Et d'ailleurs, sur le John Peel Wiki, on a un extrait où je pense qu'il parle de bouffe avec une madame. C'est une entrevue de 4 minutes où elle parle de nourriture. Et, ouais, un genre de salut bonjour, le style. Genre, ouais, sujet de la vie tous les jours. Ah, mais c'était quand même plus intéressant que ça. C'est plus une forme documentaire que salut bonjour. Ah, il fait 10 degrés dehors. On s'adresse pas vraiment bon Gino. Au quotidien. Tom Gino. Longtemps, tu l'as pas vu. Hein? C'est ça. Donc, Peel a trouvé beaucoup de plaisir dans les voyages également pendant les années 2000. Il a fait de nombreux voyages en agissant comme correspondant au Daily Telegraph. Il animait toujours à la radio et se promenait partout à travers le monde. Un bon plan de semi-retraite. Hein? C'est pas pire. Okay. C'est quand même cool. Malheureusement, il fut victime d'une crise cardiaque alors qu'il visitait une ville inca du Pérou. Quelques jours auparavant, il signait les derniers chapitres de son autobiographie. Il est décédé le 25 octobre 2004. Il avait donc 65 ans. John Peel est sans conteste une des plus grandes personnalités de la radio qu'elle ait connue, bien sûr. Il fut non seulement découvreur de talent, mais à l'origine de nombreuses révolutions musicales telles que le krautrock, le rock progressif, le metal, même à la limite, le new wave aussi, et tant d'autres gens en passent. C'est un gars qui était à l'affût et qui avait des goûts vraiment très, très intéressants en musique. Et donc, il s'agissait de la pièce favorite à vie de John Peel. Il s'agissait en fait de Teenage Kicks des Undertones, une des premières pièces de punk britannique. En fait, c'est un groupe écossais. Et c'était vraiment son top du top. Top of the Pops. Top of the Pops, ouais. Mais pas pop. Non, exactement. Il a beaucoup aidé, entre autres, ce groupe-là en jouant cette pièce-là. À ce qui paraît, lorsqu'il a découvert cette tune-là, ça a été comme en continu. Pendant un an, ça jouait pratiquement toutes ses émissions. Oh, ouais, vraiment, il capotait bien raide là-dessus. Ouais. Donc, John Peel, est-ce que tu vas nous faire une série avec Claude Rajotte, Anne-Marie Wittenshaw, et puis... Peut-être pas aller tant... Ben, peut-être Claude Rajotte, ça pourrait être intéressant. Ouais, les autres, pas tant que ça, mais il faut qu'il y ait... Sonia Benezra, on a fait découvrir une tonne. Ouais, il faut qu'il y ait des biographies aussi décrites, hein, parce que je peux bien dire n'importe quoi, mais je veux pas non plus qu'ils reviennent me slapper dans la face. Un petit Jordi, mettons. Eh hey boy! D'ailleurs, parlant de biographie, j'aimerais souligner que ça a été tiré, les informations, de le site de la BBC qui offre une biographie gratuite de John Peel en PDF. Okay. Pas très longue, mais super intéressant d'aller avec quelques photos et tout, séparées par année. Très bien. John Peel, un homme à émuler. Oui, oui, à émuler. Et d'ailleurs, il y en a qui le font très bien. D'autres qui devraient peut-être s'en inspirer également. C'est un animateur vraiment génial. Hors pair. Hors pair. Voilà. Merci beaucoup, Simon. Merci. Messieurs. Merci. On se retrouve à Catalepsie les lundis soirs entre 20h et 22h, ton émission musicale thématique. Sujet de la prochaine émission? Ça va être, en fait, on continue dans le mois de l'histoire afro-américaine. Mm-hmm. Et nous allons, en fait, inspirer. Non, nous allons plutôt donc nous intéresser à un autre style de musique qui est typiquement afro-américain, en fait, qui a commencé avec, grâce à eux, le jazz. Donc, le jazz et ainsi que ce qui en découle éventuellement aussi. On va pas juste s'attarder au jazz lors de cette émission-là. Et on en aura une autre émission, en fait, pour terminer ce mois-là. Ça va être plutôt au début du mois de mars. Par contre, je pourrais pas être là le 27 février. Ça sera le funk et tout ce qui en découle également. Cool. Alors, ça va groover. Ça m'attire pas mal sur le funk. Alors, c'est Catalepsie lundi 20h. Ça repasse mercredi à 13h et samedi à 16h. Il y a aussi Album Classique les vendredis matin à 10h. Et après ça, à 11h, c'est ta chronique Les Éphémérides du rock dans Rock Classique avec Alain Lefebvre. Effectivement. Voilà. Allez voir le cif.ca pour la programmation complète de Simon. Merci. Merci beaucoup. Et de Cifou. Merci. Aussi de Simon. Ouais, de merci, monsieur. Merci. Tu restes avec nous pour François Landry? Ben oui. Bon, parfait. On prend une pause puis on parle de la CAQ après ça. Yeah! We'll be right back, right back. Assemblage requis est présenté par le service aux étudiants de l'UQTR. Mathieu et FO sont comme les fraises sur vos céréales, les bananes sur vos rôtis, le sucre dans votre café. Sont-ils essentiels? Non, mais ils rajoutent de la saveur à vos matins. Vous écoutez Assemblage requis. Toujours avec lui et moi, là. Assemblage requis, les lui les et fraises, moi. Là, les, hey, salut, toi. Les bananes. Hein? Ouais. Tu pourrais être. T'es quoi, toi? Une fraise ou une banane? Selon la réputation qui me précède, je dirais. Ouais. Elle me précède de loin. Okay, bon. Donc, Simon Fédubé va être avec nous tantôt pour parler encore un petit peu avec François Landry. Donc, François-Olivier Marchand, moi-même, oui. Mathieu Plante. Et là, on l'accueille, ce François Landry. Chaleureusement, s'il vous plaît. Traitons-le pas de fruits ou de légumes. C'est Logocratie 101. S'il vous plaît. Le début est solennel. Pompeux. Royal. Collègue, s'il vous plaît. S'il vous plaît. Le début est solennel. Pompeux. Royal. Royal. Bonjour François Landry. Bonjour Mathieu Plante. Ça va? Oui, très bien. Oui, ça va super bien. Oui. Fatigué ce matin. Oui, fatigué. On va se tirer un peu. Là, on a tout plein de sujets qui vont nous remettre sur le piton, là, parce que la CAQ a encore des... En fait, des siennes encore, des mais siennes. Malgré elle. Mm-hmm. Oui, parce que, bon, je sais que je parle beaucoup de CAQ ces temps-ci, mais vu que c'est la rentrée parlementaire... On dirait que t'es aimes. On dirait que j'ai un faible pour parler d'eux autres, pour démontrer ce qu'ils sont réellement. Ah, d'ailleurs, ils ont baissé dans les sondages, quand même, relativement. Encore, hein, ça se poursuit. On parle de quoi, à 28% environ? Les trois parties à peu près égales? C'est ça, il y aurait une égalité, mais avec les marges d'erreur et aussi... bon, c'est un sondage, on s'en doute, mais on va laisser le temps à l'Assemblée nationale de recommencer, de reprendre son élan, et on verra ce qu'il y en est vraiment, parce que là, c'est juste une opinion d'humeur sur la rentrée parlementaire, donc on parle plus de politique dans les bulletins de nouvelles, donc les gens, est-ce qu'ils étaient prêts à réentendre parler? Donc oui, il y a une égalité sur papier, dans les faits, c'est autre chose, on sait toujours qu'il y a une disproportion entre les comtés et les chiffres. Et on donc, sait clairement aussi que la CAQ mais va baisser. C'est ça, c'est un parti comme un autre. Il y a une CAQ dans la CAQ. Il y a une craque dans la CAQ. Non, mais en tout cas, ça a été mal fait. Mais ouais. Mais oui, mais tout le sondage n'aidera pas la CAQ non, et non plus la nouvelle non-reconnaissance de la CAQ n'aidera pas non plus. Si. Et c'est de ça ce que je veux parler aujourd'hui, la non-reconnaissance de la CAQ à l'Assemblée nationale. Et dans les deux cas, on parle aussi que ça a un impact direct sur le financement. Financement, fonction, recherche. Parce que j'imagine, si t'es haut dans les sondages, bon là, en fait, t'as plus de donateurs, t'as plus de... Et voilà, t'as tout compris, la machine. Donc, plus t'es populaire, plus on veut que tu gagnes. Plus on veut que tu gagnes, plus qu'on va te donner. C'est le cercle vicieux. Mais là... aujourd'hui, cette semaine, à la rentrée parlementaire, on s'attendait tous à ce que la CAQ demande d'avoir un statut de parti politique à l'Assemblée nationale. Parce qu'il faut comprendre, messieurs, que c'est pas automatique. Dès que t'es un parti politique, t'es pas automatiquement reconnu comme tel à l'Assemblée nationale. T'es reconnu comme député, comme représentant du peuple, mais comme entité politique, c'est une toute autre histoire. La CAQ a officiellement été fusionnée à l'ADQ le 14 février dernier, donc pendant le 14 qu'on l'appelle depuis ce temps-là. Le 14 février. J'ai hâte que tu m'écrives un livre sur les Mathieuismes. Ça va être un dessin, une petite phrase en bas. Ça va être bien simple à lire, comme pour enfants. J'aime bien ça, cette idée. Près de base, prêt à t'éditer, même. Mais oui, donc, le 14 février, la CAQ a officiellement fusionné, a été reconnue par le DGEQ officiellement le 14 février dernier comme étant une nouvelle entité politique. Maintenant, reste à savoir si le président de l'Assemblée nationale, lui, allait reconnaître le parti. Et lui, il se base sur quoi? Lui, ça va sur les règlements internes de l'Assemblée nationale. Okay. C'est, en tout fait pratique, les statuts et règlements généraux du bon fonctionnement de l'Assemblée nationale. Donc, le DGEQ, lui, s'occupe seulement d'élections et de démocratie. Pour que tout le monde, pour que le peuple puisse être officiellement défendu de par quelqu'un. Donc, c'est son rôle de statuer sur qui est candidat, qui peut se porter candidat, qui... Bon, comment fonctionne le système électoral. Et juste envers tout le monde. Voilà, donc pour appliquer le principe démocratique voté de par la loi au Québec. Mais le président de l'Assemblée, lui, c'est une autre entité totalement indépendante qui, lui, gouverne le fonctionnement interne du Parlement. Donc ça, c'est autre chose. Et lui, Georges Chagnon, qui préside, donc qui est un libéral, donc qui a été nommé par l'Assemblée nationale, exact. Mais provient du parti qui est au pouvoir, donc un libéral, a statué, a lu les règlements et a dit « Je ne peux reconnaître la CAQ ». Oh! À moins que le Parti québécois, qui est l'opposition officielle, et le Parti libéral, qui est le parti au pouvoir, me demandent de reconnaître le parti de la CAQ. Donc, qu'on fasse comme l'ADQ en 2008. Faut absolument que ce soit les deux partis. Non, non. C'est les règlements qui priment, mais il peut y avoir dérogation au règlement avec le consentement des autres partis politiques. Okay. Donc, faire ça à l'amiable. C'est eux autres qui font les règlements. Fait que ben voilà, pas. Donc ils peuvent c'est l'amender. C'est qu'il fout. Ouais, c'est ça. Mais ça fait en sorte que le budget de la CAQ va être diminué de moitié. Parce que... c'est énorme, mais ça fait mal. Là. Et on parle d'élections qui s'en vient prochainement. Ben voilà, c'est là le jeu, la stratégie du Parti libéral, du Parti québécois. Ils ont dit, si on ne donne pas notre consentement pour reconnaître le parti, François Legault sera handicapé financièrement et de par son personnel. Mais il n'y a pas juste ça aussi, il y a la période de questions et les commissions parlementaires. Tout est intrinsèquement lié. Donc, on ne te reconnaît pas, tu sièges comme indépendant. Et un indépendant n'est pas chapeauté par un parti politique. N'a pas le poids pour. N'a pas le temps de parole. Voilà. Donc, en principe, de par l'article 13 du Code de l'Assemblée nationale, que je vous résumerai pas parce que ça peut faire mal aux oreilles à matin. Cacophonie. Ça va être la cacophonie. Hey Simon, il a raté mon. Oui, non. 14 février. Le 14 février. Oh. Juste pour te remettre au courant. Ouais, c'est bien. C'est très bon. Les cacs dans le trottoir aussi qui lancent au début. La cac dans le cac. Mais. T'es au courant maintenant. Donc, la période de questions aussi, c'est très important. La CAQ n'étant pas reconnue comme un parti, ils sont reconnus comme 9 indépendants qui sont membres du parti de la Coalition Avenir Québec. Donc, il y a présentement 16 députés indépendants à l'Assemblée nationale. Si on compte les 9 caquistes, Amir Kadir de Québec solidaire, oui, monsieur, c'est un indépendant. Il n'est pas reconnu. Lui aussi, il n'est pas reconnu. Jean-Martin Rossan d'Option nationale, qui n'est pas reconnu. Mais t'as quand même le droit de t'afficher. Oui. Mais lui, c'est officiellement, c'est pas marqué dans le bas de vignette, là, mais dans son titre, c'est représentant du parti Québec solidaire, représentant du parti Option nationale. Mais en fait, Jean-Martin Rossan, il attend pas, en fait, de se faire élire pour être sous la bannière d'Option nationale. Non, il est déjà sous la bannière Option nationale à l'Assemblée nationale. C'est inscrit comme tel. Parce que c'est drôle, parce que dans ses sorties, il chiale parce que le monde de la CAQ, les gens n'ont pas voté pour la CAQ, puis etc. Mais les gens n'ont pas voté pour Option nationale. Voilà, puis il n'y a même pas eu de conquête fondation encore. De fondation, oui, mais de formation. Mes amis optionnalistes, peut-être. En tout cas, ils disent 25 février. Les nationalistes, que je les appelle. Les nationalistes. Ouais, ben oui. Ah. Ils ont fait. D'ailleurs, ça, c'est intéressant, par exemple, pour un politicien, petite parenthèse, il a fait un genre de conférence en ligne où tu pouvais lui poser des questions, répondait sur une webcam. C'était très, très intéressant via Volki. Oui. Bref, c'était vendredi dernier. C'était intéressant. Ah, pour ça, oui, Jean-Marc. Est-ce que tu as posé des questions? J'ai posé des questions, mais ils n'ont pas eu le temps de se rendre parce qu'il y avait beaucoup de gens qui demandaient c'était quoi sa poutine préférée. Bon. Ouais. Coudon. On dirait la fille d'aujourd'hui. Et il dit que la poutine a été inventée à Nicolette. Ah. Bon, ça y est. Il rajoute son grain de sort dans l'éternel débat au Québec. C'est à Warwick, la poutine. Bon. Ouais, c'est ça. Ouais. Oui, comme je disais, 9 indépendants de la CAQ. Il faut rajouter à ça Option nationale, Québec solidaire, Louise Beaudoin, qui est une indépendante du Parti québécois, Lisette Lapointe, Pierre Curzi, René Gauvreau, un peu inconnu, et Tony Tomassi, notre chum Tony Tomassi. Tony est encore là? Eh oui, il est encore là, il est encore député, oui. Il siège maintenant à titre d'indépendant, le Parti libéral l'a comme, montré la porte. Va-t'en mon âme, là, tu nous as fait assez de mal, mais oh ouais, il est encore là. Donc, les indépendants ont le droit à 2 questions par séance ou 16 questions par 8 séances, plus une pour Québec solidaire, parce que lui a été élu sous la bannière Québec solidaire. Tous les autres n'ont pas été élus sur leur bannière qu'il représente aujourd'hui, donc lui a un privilège de plus. Donc, ça démontre qu'il y a beaucoup moins de questions qui vont se faire poser par l'opposition, donc c'est le Parti québécois qui a le beau jeu là-dedans, c'est plus l'ADQ. À l'époque de l'ADQ, on se souvient qu'ils étaient le 2e groupe parlementaire, dûment reconnu de par les 2 partis politiques, donc plus de questions, plus de budget, plus de fonctionnement. Donc, là, ça diminue de moitié. Et en commission parlementaire, je sais que je fais du coq à l'âne, du caca à l'âne. Oh, wow! Ah, ouais, je t'ai pris de vitesse. Je l'avais comme noté. En commission parlementaire aussi, c'est à la proportionnelle. Donc, si t'es un parti politique, t'as plus de questions en comité parlementaire. Donc, le comité parlementaire, c'est eux qui reçoivent des gens, donc de la scène publique, judiciaire, donc tout ce qui relève de l'Assemblée nationale. Et c'est aussi eux qui préparent les lois, les projets de loi. Donc, c'est important pour les partis politiques d'avoir leur mot à dire et surtout d'avoir un temps de parole attribué à ça. Le temps de parole exact, je l'ignore parce que c'est vraiment divisé par minute, par séance et par député. C'est compliqué le calcul. Mais à la CAQ, ça sera de quelques secondes seulement par séance. Quelques secondes. Salut, on était là. C'est même pas une minute, là. C'est quelques secondes, oui. C'est le poignet. Ça, c'est par député? Oui, par député. Mais ils peuvent pas donner leur temps, je peux pas dire. Ils peuvent donner leur temps à quelqu'un d'autre, okay. Mais ce quelqu'un d'autre-là ne peut pas cumuler du temps. Quelqu'un d'autre. Donc, moi, je peux pas y aller, je donne mon 2 secondes à Simon. Mais toi, François, qui peux pas y aller, tu pourras pas donner ton 2 secondes à Simon. Ah, mais là, j'en veux les 2 secondes. Non, toi, tu vas avoir mon 2 secondes, là, tu n'auras même pas le droit de ton 2 secondes à toi. OK. C'est dans ton coin, Simon. C'est bizarre, mais en même temps, c'est le principe même démocratique parce que, mettons, il y aurait un gros parti politique, 2e groupe d'opposition, qui donnerait tout son temps de minutes au parti de l'opposition. Donc, lui pourrait peinturer dans le coin le parti au pouvoir. Donc, on respecte la proportionnelle ici. Donc, quelques secondes seulement, ce qui a fait dire à François Legault, nous boycotterons les séances par de commission. Puis, ils vont chialer à part aux nouvelles. C'est ça. Donc, ils se disent... On n'ira pas, on va les boycotter parce que ça sert à rien d'aller siéger là pour quelques secondes. Oui, mais hey, wake up! C'est la démocratie qui s'exprime dans ces commissions-là. Puis ça représente tes secondes comme faux. C'est comme si on disait aux étudiants n'allez pas à l'Assemblée générale, mais à voter pour la grève ou pas pour la grève. non, va te prononcer, même si t'as pas le droit de poser une question, au moins sois au courant du débat. Ben oui. Pour ne pas ensuite revenir dans la rue puis dire n'importe on quoi. Nous a exclus, on sait pas ce qui se passe, blablabla. Ouais, mais tu t'es évacué toi-même. Donc, ça, que ce côté-là, François Legault a perdu des points dans l'opinion publique. Il fait juste en perdre. C'est un pas un gros bébé lala, mais je serais tenté de dire ça. Ensuite, pour le budget de recherche, je l'ai dit au début, ils perdent la moitié du budget. L'ADQ avait 400 000 $ grosso modo de budget de recherche pour 4 députés. Donc, on s'entendait que ça revenait à peu près à 100 000 $ par député pour engager du monde pour faire de la recherche. Mais là, avec la CAQ, ils ont 9 députés non élus, on s'entend là-dessus, ils auront le droit seulement à 22 700 $ par député, ce qui équivaut à 204 700 $ en tout. Ça va être difficile pour la calculatrice. Oh, hey. Mathieu, t'es en feu ce matin. Ouais. Au lieu d'avoir des employés, ils vont avoir des calculatrices à la place. Des gros calculs. Oui. Et pourquoi vous me direz que l'ADQ avait 400 000 $ et pourquoi les partis politiques avaient reconnu l'ADQ à l'époque et plus aujourd'hui? Ah, moi, je sais. Tu sais, vas-y. Ouais, c'est parce qu'on sortait d'élection, puis on s'en va en élection. Et voilà, c'est côté stratégique seulement. C'est seulement ça. Après les élections de 2008, l'ADQ qui était passé de 41 députés à, avec bon, la problématique de Gilles Taillon, Éric Heure et les indépendants, sont tombés à 4 députés. Les partis québécois et Parti libéral ont dit, bon, ils ont quand même fait leurs preuves sur le terrain. Ils ont quand même eu un bon taux de pourcentage de vote, 12% à l'époque. Ce qui n'était pas le 15% réglementaire. Ils ont 4 députés au lieu d'en avoir, je crois que c'est 12 députés que ça prend, grosso modo. Ouais. Donc, ils ont dit, on va quand même reconnaître votre importance dans le système démocratique. On va vous donner les pleins pouvoirs d'une reconnaissance officielle d'un parti politique. Donc, 400 000 $ pour 4 députés. Là, on s'en va en élection. Ouais. Les élections auront-elles lieu au printemps? Ou à l'été, ou en novembre prochain. Il y a des dates qui circulent, mais je vais revenir dans quelques secondes sur la dernière date d'arrêté. Et là, on dit, on s'en va en élection. François Legault, dans les sondages, qui est quand même assez fort, qui divise le vote. On parlait d'autour 30% chez Front pour les trois partis. Donc, pas de pitié. Legault. On va tout faire pour l'empêcher de démocratiquement. Ce qu'a fait Apolline, c'était pas cool. Là, il est parti avec plein de monde. Avec deux. Je vais te dire deux. OK. Ben, deux que Pauline ne voulait même plus... à part François Rebello. C'était pas deux gros joueurs. Ben, à part François Rebello, qui lui, c'est un... C'est ça. C'est un jeune. C'était jeune. Ouais, un ancien du mouvement étudiant aussi. Hein. D'une certaine fédération étudiante universitaire du Québec. Qu'on aime pas bien. Mais bon, ça, on en parlera plus tard, si on veut bien. C'est flou encore. Mais pour... comme tu disais, François, les dates circulent pour des élections et on apprenait ce matin que fort peu probable des élections ce printemps. C'est encore probable. Mais c'est tout ce qu'il promettait depuis longtemps. Oui, je sais, mais ça a l'air que j'ai pas des bonnes centrales au Parlement, j'ai pas des bonnes sources. Fait que, mais c'était dans peu l'air. Peu probable, OK. Peu probable. On parlerait de très, très tôt en septembre. Donc, c'est loin. Oui. La rentrée parlementaire, c'est mi-octobre, habituellement. Donc là, Charest ferait la tournée des barbecues du Québec. Et on sait que... Tournoi de golf. Et le Parti libéral, dans le financement, dans les activités de financement, est très, très, très solide. Donc, il irait chercher du financement pour ça. Plus. Et aussi, on apprenait que certains députés existants, présentement, au Parti libéral, disent « Oui, oui, oui, je reviens. » Mais dans les faits, ils veulent pas revenir. On parle aussi de Julie Boulay dans La Violette. Ouais. Elle n'est physiquement plus capable de le faire. Elle est épuisée de par son rôle. Elle n'a plus la motivation pour. Et c'est un pilier au Parti libéral. Norm Macmillan aussi voudrait tirer sa révérence. Oui. Le monsieur... un peu costaud. Il a sorti toutes les insultes possibles de sa besace. Tout à fait. Il n'y en a plus, donc il va prendre sa révérence. J'ai plus d'idées. Notre bon ami Yvon Vallière aussi, qu'on entend en introduction d'émission, là, collègue. Lui aussi, il veut prendre sa retraite. Il voulait la prendre avant même la dernière élection, mais Jean Charest a dit non, j'ai pas ça. Mais là, c'est ça. S'il perd... Il va perdre des gros joueurs, ceux qui, justement, peuvent rentrer de l'argent dans les caisses. Mmh. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On va leur laisser l'été pour se trouver un dauphin, pour avoir le temps de se reconstruire, parce que Norm Macmillan qui part en Outaouais, ça prend quelqu'un pour la remplacer, ou d'aussi solide pour conserver Outaouais. Et Norm, il va falloir qu'il fasse le tour des barbecues. Pour appuyer la candidature pour dire, aussi. Hey, moi, Simon Fitzbé, c'est mon homme, fait que je veux que vous l'élisiez dans Simon Fitzbé, libéral. En Outaouais? À côté de son pays, là. Oh là là. Non, je t'attaquine, Simon. Je sais que t'es pas un vrai libéral dans la langue. Mais. Pas au Québec, non. Non, pas au Québec, non. Mais, j'espère pas à Ottawa non plus. Ouais, c'est ça, on en parlera. à micro fermé. Donc, faut avoir le temps de reconstruire les associations de circonscription. Et l'été, c'est la période appropriée, pas le printemps. Le printemps, c'est trop vite. La commission parlementaire, pas la commission, mais la commission Charbonneau sur l'industrie de la construction, ouais, de la corruption et compagnie, ouais, compagnie, va commencer à faire des dommages tranquillement, pas vite. Ben oui, et la commission Marteau... aussi, donc... Porte des accusations prochainement, là. Oui, exactement. Donc, tout ça, on va voir ce que Jean Charest va faire. Et les sondages internes à Jean Charest lui disent que c'est pas le temps parce qu'il n'est pas assez populaire. Ouais, c'est ça. Il y a encore un très haut taux d'insatisfaction envers le chef. Donc, l'été, habituellement, t'es relax, tu prends une petite bière sur le bord de ta piscine, tu parles pas pantoute de politique. Et là, Jean Charest, une fois par temps en temps, sort une très bonne nouvelle, investissement. Non, mais c'est ça, exactement. Là, le monde dit, ah, il est pas si pire que ça, finalement. Donc, en septembre, au retour des vacances, alors que t'as encore l'esprit léger, ou t'es même pas encore revenu de vacances, puis que tu veux pas aller voter, dans le fond. Ouais. Pourrait passer, c'est côté stratégique. Ouais, c'est ça, stratégiquement, c'est un bon choix, parce que veux, veux pas, là, prochainement, en fait, on va payer nos impôts aussi. Tu sais, c'est... Exactement, donc, t'as tout compris. Tu vas recevoir ton rapport d'impôt, tu dis, attends, faut que je paye 20 000 piastres d'impôts à Jean Charest. Ben, le tabarouette, je voterai pas pour lui. Donc, le calendrier n'est pas propice. Ça va donner une chance aussi à Pauline de se planter. J'aurais plutôt dire de se calmer après une année difficile qu'elle a eue. Mais je voudrais juste terminer avec Pauline, parce que je sais que François, tu l'adores beaucoup. Ouais. Et on a parlé ici récemment du RIP, pas de Rest in Peace de Pauline, ouais, mais du référendum d'initiative populaire. Finalement, ils ont statué hier ce qu'était un référendum d'initiative populaire. Okay. Et c'est quoi? Ils ont balisé ça. Et puis je vais revenir après avec un petit commentaire. Donc, les questions référendaires ne pourront pas porter sur des questions qui vont à l'encontre de la Charte des droits et libertés du Québec et sur les lois et questions fiscales. Donc, okay, un référendum pour dire « j'abolis les impôts », ça marche pas. Ou « j'abolis le je veux que tous les Québécois aient une arme à feu sur eux ». On peut pas faire ça. Liberté. Liberté. Ensuite, ça va prendre 15% minimum pour tenir un tel registre. Donc, ça équivaut à 850 000 noms qu'il faut signer. Et le gouvernement va être lié au résultat du référendum. Donc, si la population dit oui, oui à ça, le Parti québécois au pouvoir, donc le gouvernement au pouvoir n'aura pas le choix de dire oui, on va de l'avant avec ça. Donc, au moins, ça, c'est une bonne nouvelle de dire que le référendum ne sera pas seulement un gros état d'âme ou un gros sondage. Le gouvernement va être obligé de le faire. 815 000 personnes qui doivent voter. 850 000. 850 000. Okay. Là, 850 000, on dit, c'est pas gros ça, pour une démocratie. Rappelez-vous, l'année dernière, la pétition mise en ligne pour destituer Jean Charest, pour demander sa démission. Combien? On en a entendu parler beaucoup. Ça avait fait beaucoup de tapage. Bon, combien qu'il y avait eu de signatures? Je sais pas. 200 000. On s'entend que c'était facile là, d'aller sur asnad.qc.ca, taper son pétition, cliquer son nom. 200 000 personnes ont seulement réclamé la tête de Jean Charest. Là, on demande 850 000. Donc, c'est beaucoup, beaucoup d'ouvrages de par les propagandistes pour faire signer un tel registre. Et là, la question que je vous pose ce matin, advenant le cas où un mouvement souverainiste, indépendantiste... civil et non pas un parti politique, demande à ce qu'on rouvre un référendum pour la souveraineté du Québec. Ça va leur prendre 850 000 Québécois qui vont signer le registre. Advenant le cas qui n'atteignent pas 850 000, qui atteignent seulement 20 000 signataires, 40 000, 50 000, 100 000, 200 000 signataires, ça sera pas un coup dur pour le mouvement souverainiste en tant que tel. Ils auront même pas recueilli le nombre de signatures de base juste pour ouvrir un référendum. Ouvrir la question. Donc, la légitimité de la chef va être encore une fois remise en question. Donc, Pauline, elle est poignée avec ça. Et ça, si on veut faire mal à la chef, on a juste à partir des pétitions qui ne fonctionneront pas. Ça, c'est... Pour délégitimer le rôle du leadership. Et quand on parle, en fait, d'une action, mettons, générale, on parle de combien de gens qui vont voter environ, là, mettons? C'est 5 millions de Québécois qui sont inscrits sur les listes électorales. OK, 5 millions de personnes qui sont aptes à voter. Oui, et il y en a 58%. Ça tourne entre 50 et 58% là, des personnes qui vont voter. 2,5 millions à peu 750. Près. Et là, on divise ça par parti politique. Juste exemple, dans Trois-Rivières, ici, j'avais calculé, c'est 23% de la population totale qui ont voté pour... 23%? Ouais. qui ont voté pour Daniel Saint-Amand qui est député. OK, OK, qui ont voté ouais, okay, parce que okay, moi, j'ai pris toutes les personnes qui ont été votées, aptes à voter, et ensuite, combien de personnes ont voté réellement pour... Okay. Tu sais, physiquement, ils l'ont pas en pourcentage, ouais, ouais, mais combien de personnes ont voté pour elle, et c'est 23% que ça donne, 23% de gens qui ont exercé leur droit de vote, qui ont voté pour elle. Qui donc, représente la majorité. Donc, elle représente... Elle représente la majorité. Donc, à 23%, tu en dessous du corps... Ouais, c'est ça. On peut se poser des questions sur la légitimité. Mais les gens, allez voter. Ça, c'est pas compliqué. Non? Il faut se lever. Il y a une game du Canadien hier soir. Plutôt Star Academy, c'est la grande finale. Ah, ben oui. Ouais, ça, c'est correct, je comprends. Mais tu sais. Ah, boy. Donc, ça fait le tour pour le moment. C'est la rentrée parlementaire, donc ça commence à bouger. Avec la CAQ, c'est certain que tout va être... toutes les questions critiques ou les regards assassins. C'est plus beau, hein? Assassin. De Jean Charest va être dirigé vers Gérard Deltel, parce que François Legault n'est pas à l'Assemblée nationale. Ouais, c'est ça, donc, c'est ça aussi. Deltel qui est le porte-parole officiel. Donc, ça va être assez beau, cette session aussi. Et Pauline, on la laisse aller. Hein? On sait comment est-ce qu'elle est. Non, c'est vrai. Bon. Elle est capable d'elle-même de faire un débat. Oui, facilement. Elle est capable de plein de choses. Donc, voilà. François Landry, merci beaucoup. Ça fait plaisir. Allez, merci. On se donne une bonne grosse caque dans la main. Oh! Une caque dans la main? Caque dans la main. C'est un hop top là. C'est en l'air. Caque dans ta face. Et... Ouais. Donc, à la semaine prochaine, jeudi, à 8h30, pour une chronique Logocratie 101. Oui. Toujours du mouvement là-dedans. Ça, toujours, ça bouge, ça bouge. Ouais, ça bouge quand même. C'est fun, là. Mon sport national est recommencé. Ouais, là, donc, Les séries. Oui, les séries. Il va falloir faire les séries. C'est l'Assemblée nationale. C'est dans la coupe. Donc, on va terminer l'émission ici. C'est la fin de la semaine, François-Olivier. C'est une belle grosse semaine, bien remplie, comme toujours. Exactement. Et la semaine prochaine, d'ailleurs, nouvelle chroniqueuse ici. Oui, Gabriel Degrasse va être avec nous les mardis matins à 8h pour sa nouvelle chronique Loisirs. On va aimer ça, c'est mardi prochain. Pour l'instant, on se quitte et puis on va se retrouver donc lundi à 7h. Il va y avoir lundi à l'émission Xavier Antoire avec sa chronique Tes doigts cuisine. Kiwan ne sera pas là. Non, Il va être le jeudi. Tout à fait. Ouais, c'est ça. T'as exactement raison. T'as confirmé, mais... Non, mais c'est pas mal ça. Okay. C'est pas mal le jeudi. À 8h30, on aura Nicolas Ducharme et sa chronique sport. Restez sur nos ondes. Cinex.zip s'en vient à 10h pour récapituler les chroniques Cinex d'assemblage requis. À 11h, sera le dîner de con avec Danny Janvier. À 13h, 6 degrés avec Kim Bergeron. Je serai de retour avec Jasmine Raymond-Dréville à 14h pour les Palmarès, c'est fou. Plus tard en soirée, La Spirale à 18h. À l'émission... comment ça s'appelle cette émission-là? Ça a changé de nom, je pense. 13e étage. 13e étage, voilà, à 19h pour du jazz électronique et éclectique. Et puis à 21h, c'est de la musique électronique avec le Cortex. Passez une très belle fin de semaine. N'oubliez pas d'écouter les meilleurs moments les vendredis matins à 6h et les samedis à partir de midi. Merci à Simon Fédibé, merci à François Landry, merci à vous deux. Tout le monde cette semaine. François Olivier Marchand. Mathieu Plante. Barthé. On va aller chercher les guns. Bazinga. Ça, c'est une autre affaire, ça, qui me choque. Qu'est-ce qu'il y a? Non, mais le registre des armes de dépôt. Ouais, parce que c'est quoi? Vous voulez pouvoir avoir... Non, mais il y en a plus. On veut notre liberté d'aller chercher des guns. Il y en a plus. Ah, exact. Pour n'importe que les chasseurs soient considérés comme des criminels. Ah. T'as une arme à feu ou t'en as pas? En tout cas, pas grave. Ouais. C'était fini? Ouais. J'essaie de trouver mon opinion là-dessus. Je sais pas quoi en penser. Les gens sont d'accord, non? Hein? On se quitte avec Marie-Pierre Arthur et bye. La pièce du palmarès francophone Fil de soie. Bye. Liberté.